Lors de ces dernières semaines, j'ai voulu savoir comment le confinement influait sur nos vies amoureuses de trentenaires, parfois déjà suffisamment compliquées comme ça. Quelle influence l'isolement avait sur notre rapport à l'amour, sur les questions que l'on se pose? Pour ça, j'ai demandé à ceux qui le souhaitaient de me partager leur ressenti via une note vocale sur leur téléphone. On commence avec Anaïs, dont vous reconnaîtrez peut-être la voix puisque c'est avec elle que j'avais enregistré le tout premier épisode. Bonne écoute!